Quatrième partie, chapitre 3, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Sonia. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Quatrième partie, chapitre 3. De la nature des tentations et de la différence qu'il y a entre les sentir et y consentir. Imaginez-vous filoter une jeune princesse extrêmement aimée de son époux et dont quelque jeune libertin prétend corrompre la fidélité par un infâme confident qu'il lui envoie pour traiter avec elle d'un si détestable dessein. Premièrement, ce confident propose à la princesse l'intention de son maître. Secondement, elle agrée ou désagrée la proposition. Et en troisième lieu, elle y consent ou la rejette. C'est de la sorte que Satan, le monde et la chair, voyant une âme attachée au Fils de Dieu comme son épouse, lui font des tentations dans lesquelles, premièrement, le péché lui est proposé, deuxièmement, il lui plaît ou lui déplaît, troisièmement, elle y consent ou le rejette. Voilà les degrés qui conduisent à l'iniquité, la tentation, la délectation et le consentement. Et bien que ces trois choses ne se distinguent pas si évidemment en toutes sortes de péchés, on les connaît pourtant sensiblement dans les grands péchés. Quand une tentation durerait toute notre vie, elle ne peut nous rendre désagréable à la divine majesté, pourvu qu'elle ne nous plaise pas et que nous n'y consentions point. Parce que dans la tentation, nous n'agissons pas, mais nous souffrons, puisque nous n'y prenons point de plaisir, elle ne peut en aucune manière nous rendre coupables. Saint Paul souffrit longtemps des tentations de la chair, et tant s'en faut qu'elles le rendissent désagréable à Dieu, qu'au contraire, Dieu en était glorifié. La bienheureuse Angèle de Foligny en fut aussi si cruellement tourmentée qu'elle fait pitié quand elle les raconte. Celles de Saint François et de Saint Benoît ne furent pas moins fâcheuses lorsque l'un se jeta dans les épines et l'autre dans la neige pour les combattre, et cependant, bien loin d'en perdre rien de la grâce de Dieu, ils l'augmentèrent beaucoup en eux. Il faut donc avoir un grand courage filoté dans les tentations, et ne se croire jamais vaincu, tandis qu'elle déplaise, observant bien la différence qu'il y a entre les sentir et y consentir, car on ne les peut sentir encore qu'elles déplaisent, mais on ne peut y consentir sans qu'elles plaisent, puisque le plaisir est ordinairement un degré au consentement. Que les ennemis de notre salut nous présentent donc autant d'amorces et d'appâts qu'ils pourront, qu'ils se tiennent toujours à la porte de notre cœur pour y entrer, qu'ils nous fassent tant de propositions qu'ils voudront, tandis que nous serons dans la disposition de ne nous pas plaire à tout cela, il est impossible que nous offensions Dieu. Non plus que l'époux de la princesse dont je vous ai parlé ne peut lui savoir mauvais gré d'une telle proposition qu'on lui aurait faite si elle n'y avait pris aucune sorte de plaisir. Il y a néanmoins cette différence entre l'âme et cette princesse, que la princesse peut chasser, si elle veut, un tel entremetteur, et ne le plus entendre. Mais il n'est pas toujours au pouvoir de l'âme de ne point sentir la tentation, bien qu'elle puisse toujours n'y pas consentir. C'est pourquoi, encore que la tentation dure longtemps, elle ne peut nous nuire pendant qu'elle nous déplaît. À l'égard de la délectation qui peut suivre la tentation, il est à remarquer que nous avons comme deux parties en notre âme, l'une inférieure et l'autre supérieure, et que l'inférieure ne suit pas toujours la supérieure, et même agit séparément d'elle. Et de là, il arrive souvent que la partie inférieure se plaît à la tentation, sans le consentement de la partie supérieure, et même contre son gré. C'est justement le combat que saint Paul décrit, quand il dit que sa chair convoite contre son esprit, et qu'il y a en lui une loi des membres, et une loi de l'esprit, et semblable chose. Avez-vous jamais vu filoter un grand brasier de feu couvert de cendres? Quand on vient 10 ou 12 heures après y chercher du feu, on a de la peine à y en trouver quelque peu de reste. Il y était néanmoins, puisqu'on l'y trouve, et il peut servir à rallumer tous les autres charbons éteints. Voilà comme la charité, qui est votre vie spirituelle, subsiste en vous contre les plus grandes tentations. Car la tentation, jetant la délectation dans la partie inférieure de l'âme, charge et couvre, pour ainsi dire, cette pauvre âme de tant de fâcheuses dispositions qu'elles y réduisent l'amour de Dieu à bien peu de choses. Il ne paraît plus nulle part, sinon au fond du cœur. Encore semble-t-il qu'il n'y soit pas, et on a bien de la peine à l'y trouver. Il y est cependant très réellement, puisqu'encore que tout soit troublé dans l'âme et dans le corps, on a toujours la résolution de ne point consentir au péché, ni à la tentation, que la délectation qui plaît à l'homme extérieur déplaît à l'intérieur, et que bien qu'elle soit, pour ainsi parler, tout autour de la volonté, elle n'est pas en elle. Or, c'est ce qui doit faire juger que cette délectation est involontaire, et qu'étant telle en effet, elle ne peut être un péché. Fin du chapitre 3, quatrième partie.